Cette mort, arrivée 4 jours avant la dernière publication de son mariage, fut pour Lisbeth le coup de foudre qui brûle la moisson engrangée avec la grange. La Lorraine, comme il arrive souvent, avait trop réussi. Le maréchal était mort des coups portés à cette famille, par elle et par Madame Marneff. La haine de la vieille fille, qui semblait assouvie par le succès, s'accrut de toutes ses espérances trompées. Lisbeth alla pleurer de rage chez Madame Marneff, car elle fut sans domicile, le maréchal ayant subordonné la durée de son bail à celle de sa vie. Crevel, pour consoler l'ami de sa Valérie, en prit les économies, les doubla largement et plaça ce capital en 5% en lui donnant l'usufruit et mettant la propriété au nom de Célestine. Grâce à cette opération, Lisbeth posséda 2000 francs de rente viagère. On trouva, lors de l'inventaire, un mot du maréchal à sa belle-sœur, à sa nièce Hortense et à son neveu Victorin, qu'il est chargé de payer, à eux trois, 1200 francs de rente viagère à celle qui devait être sa femme, Mademoiselle Lisbeth Fischer.